Je suis le cramé du bled, cramé du bled, cramé du bled. Mais j'ai fait mes clashs, l'ami. Banlieue Est de Paris, de Paris, de Paris. Un putain de crew qui fout la pression. Même rien de révolte qui me revient en bouche. Pour voir qui vote en touche, c'est l'impression de me répéter. Puis mal écouché qui ne saurait lui péter. Qui prête au contraire, les années pas, j'ai rien à fêter. Mais faudrait que je me tempère. Je comprends ces jeunes en guerre. En contact avec les institutions, serais-je ma police, les mains en l'air. J'entends des niques la France. C'est qui s'étonne de voir les jeunes adhérer. Quand tous ces gosses voient des tonnes de grands frères galérer. 2007 qui se pointe, le butin pour quel but. Attention à ne pas trop diaboliser Belzébuth. Quoi de neuf, G? La constance de la lutte. Envoyez les psys, les petits viennent trop vite adultes. 15 piges à rapper. Parler d'état d'urgence, à quoi dire garder. Ils brûlent tout, chargé et pas d'indulgence. Je me dis ça va pas tarder à exploser, tu penses. Chacun dans sa zermie et rien ne change en l'histoire. Se répète du Rwanda jusqu'en Palestine. Violence et peine, un peu gêné de verser quelques rimes. Autour du globe, un tas de néophytes sur le front. Victime d'un génocide ou fuyant sous une pluie de bombes. Une hécatombe sous les yeux des états membres. Afghanistan ou Liban, là où le spectacle est à rendre. Ce qu'on rentre en Irak, là où l'or noir est plus important que des vies humaines. Et où l'espoir de paix relève du miracle. Une réalité macabre, loin des caméras. Rio, c'est favela, là où le sort te fout droit comme un caméa. Des gosses cannes, calache en main à 12 ans. Pistolero à Bogota, enfant soldat au Soudan. Quoi de venu en France, à part qu'ici rien ne change. Rien d'étrange à ça de voir Sarko et Star se faire des embrassades. Alors comme ça on embarrasse, parle de nettoyage au cœur cher. Rêve de voir les bains années gicler en charter. Les vrais visages sont maintenant visibles, mais qui veut les voir vraiment. Au-delà d'un paysage, d'un gris indivisible, l'indicible c'est l'aimant. Notre héritage, des lettrages illisibles, écrits en ferlan. Aucun déchiffrage n'est envisageable clairement. Des clivages inadmissibles, creusés sciemment. Métissage impossible, du moindre écart et de l'argent. Blédard et ses francs, calfeutrés sous un carcan. Les charognards avancent à pas feutrés sur des charbons ardents. Les stades connards ferment les yeux sur ce que font les gagnants. Prenant chaque bobard qu'on leur tend pour argent comptant. Les salopards font leur temps et repartent en arguant ton camp. Et le pillage se fait salement dans un foutage de gueule constant. L'Occident continue de ruiner l'Afrique. Les usines polluent, les nappes phréatiques. Les aliénés, l'Amérique et les mollas, les fabriques. Le monde évolue sans calculer ses pratiques. L'humanité, un virus agité qu'aucune calamité n'éradique. Les moins armés abdiquent, la fiscalité nourrit la précarité. C'est mathématique et ça te fascine, cette haine systématique. Mais c'est toi-même que t'assassines si t'es resté statique. Il a plus des cordes sur les gabardines depuis vice étatique. Conquête emblématique, c'est les mêmes thématiques. Les mêmes flots mécaniques, des tirs à la carabine sur des carrosseries métalliques. Quand on passe un par un par la cabine et que chacune des voix kick, Alpha mis sa calcine, tu peux toujours pas écarter ma clique. Ma clique, depuis tu mutes, mais continue la lutte. Sache que dans ta rue, les petits cons qui en chahutent. Ça juge des similitudes entre les putes et les stupes. Les CAS exercent mes putes dans les sup. Les putes cracranes, on tombe avec si les tueurs voient crâne. Mes soucis tout aussi peu du sort des putes Paname. Y'en a qui triment, suivent les politiques, donc kiffent les bobards. Ceux qui nous domicilient dans des sites pires, des dépotoirs. Ils veulent qu'on plie sous les coups et croupis sous les dettes. Les trompes pas de paye en pierre et te disent où les mettre. Les coupes à sa patte, et y'a un nique notre pouvoir d'achat. Tout ce coup pas ma foi, y'a pas de poste pour nous à pouvoir là-bas. C'est sûr, on attend encore la révolte dans les urnes. Cette populace qui vit là où le tapage est dur. À pleine allure, mon crew vrai sature. Créer les ratures des spécialistes qui assurent connaître notre vraie nature. J'écris depuis 9-8, mon premier thème la cité. Incité par le vécu, j'ai fait que le réciter. 2007, mon constat, ici c'est toujours la même. Y'a toujours pas de l'OV et y'a la rage comme emblème. On se réunit pour du sport, pour un concert de hip-hop. La galère c'est nocif, au même titre que la clope. Le bis, pas de chafrable, les CV sont trop maigres. De toute façon on n'embauche pas si t'es un bico ou un nègre. Politique et banlieue, autant parler d'amnésie. À vrai dire c'est le bordel car ça bouchonne ici. Et que dire de cette mère qui fait semblant d'être heureuse. Prête à tout pour nourrir sa chère famille nombreuse. Le hall est plein à craquer, ça rappe, gueule et fume. Les voisins pètent un plomb, appellent les flics, c'est la coutume. Et là tout peut se passer, un contrôle, une bavure. On réplique comme Arcan, nique la balle sur les murs. Incompris depuis le début, la France en bat les burnes. On est con car on n'a pas compris le poids de l'urne. Au lieu de céder dans la mer, on se tue pour une boulette. Comment croire en la France, les politiques sont malhonnêtes. Sans pépette, c'est chaud, on vit des allocs familiales. UMP socialiste, issu de la même filiale. Parlons d'égalité, va faire un tour au foyer. La cité, 90% ils sont noyés. Broyés par l'atmosphère et l'ascenseur social. Le pillage d'un continent remplit votre capitale. Un pouvoir d'achat mort, les belles vitrines donnent envie. Les charters sont mieux si tu veux rester en vie. 20 000 ans 2005 et la droite t'es ravi, avec tout ça j'ai que le rap pour formuler mes attaques. Branche le mic et le jack, même si c'est un cul-de-sac. Et y'a quoi de neuf papy, Alpha Mi est dans les bacs.